Chapitre 39. Le parloir de Mazas. En quittant le cabinet de Bonheur, la pauvre Adrienne rentra tout affolée à l'hôtel de Charmeuse. « Eh bien ?» lui demanda brièvement le comte. La jeune femme eut un geste désolé et balbutia. « Vous me voyez désespéré, monsieur. Mon père n'a rien voulu entendre. Et pourtant, je lui ai avoué la triste vérité. » Monsieur de Charmeuse avança vers elle, bras croisés, et prononça sourdement. Se doute-t-il, qu'acculé aux dernières extrémités par sa déloyauté, par son indigne et écœurante malhonnêteté, j'ai livré mon nom, le vôtre aussi, madame, à des écumeurs qui ne me laissent d'autre alternative que le chantage ou la mort? Taisez-vous, par pitié. Oui, il sait tout. Il ne veut rien entendre. Hélas, non. « C'est bien. Je sais ce qu'il me reste à faire. » La comtesse Adrienne leva ses beaux yeux éplorés sur son mari sombre et résolu. « Monsieur, supplia-t-elle, ne vous arrêtez point à ces affreuses pensées. Il vous reste encore un moyen de salut. Lequel ?» interrogea avidement Roger. Elle murmura, avec embarras, comme si la honte de sa proposition était pour elle. « J'aime peu le monde et les plaisirs. » Le luxe de cet hôtel me fatigue plus qu'il ne me sourit. Ne pourrions-nous, moi du moins, changer de train de vie? De la sorte, vous disposeriez de tous vos revenus dans l'avenir et, dès à présent, vous pourriez réaliser une assez grosse somme. Mais vous? Demanda le comte en baissant la tête. Je reprendrai mon ancienne existence. J'ai toujours mon appartement boulevard Haussmann, chez mon père. Et je puis habiter pendant la belle saison à la campagne dans ses propriétés. Je vous jure que j'ai besoin d'isolement, de calme. Je comprends, acquiesça le comte. Il en sera donc comme vous voudrez, madame. Et, s'inclinant profondément, il se retira. Allons, à quelque chose malheur était bon. Cela valait mieux ainsi. La comtesse de Charmeuse et lui reprendraient leur liberté et vivraient chacun de leur côté, comme cela se fait couramment dans le monde. Aucun scandale n'était à redouter avec la noble et malheureuse Adrienne, qui portait religieusement le deuil de son premier amour mort et trahi. Quant à lui, l'éternel viveur, son genre d'existence ne pouvait plus choquer personne. Il aurait d'ailleurs, comme fiche de consolation, tous les profits de cette situation nouvelle. Il échangerait son hôtel contre une garçonnière, c'est tout ce qu'il lui fallait pour sauver les apparences et avoir une adresse personnelle, puisqu'il espérait continuer sa liaison avec Suzanne d'Amour. Quant au revenu forcé des 2 millions garés par Bonheur, c'était encore bon à prendre et à garder, bon an mal an. Allons, l'idée d'Adrienne était bonne, il fallait la réaliser le plus tôt possible afin d'empêcher la jeune femme de reprendre sa parole. Comme il s'apprêtait à sortir pour conclure au plus tôt cette liquidation, il reçut encore un petit mot de Ragdal. Toujours le même style dégagé. « Cher ami, j'ai demandé et obtenu l'autorisation de vous voir au parloir de faveur. Accourez donc au reçu de ce mot, car nous avons à conférer sérieusement et dans un intérêt commun. » C'était sans réplique. Il fallait marcher. Une heure après, le comte de Charmeuse se présentait en visiteur au parloir de Mazas. Le gardien, après l'avoir dûment fouillé, malgré son grand air et sa belle fourrure, l'introduisit dans l'espèce de boîte grillagée pompeusement dénommée « parloir de faveur ». En face de lui était le fier Ragdal. « Vous voyez, je suis venu, » lui dit le comte en comprimant la rage qui l'animait intérieurement. « Êtes-vous satisfait ?»« Pas encore. » Ragdal. Vous êtes difficile en vérité. Jusqu'à quel point dois-je donc me compromettre pour vous? Des mots, mon cher comte. Il me semble que ma présence ici est un fait nécessaire. En quoi? Puisque j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous, et bien inutilement. J'avoue, fit négligemment Ragdal, que les juges me sont plutôt hostiles, et qu'une ordonnance de non-lieu ou même une mise en liberté provisoire sont de plus en plus improbables. Je m'en suis rendu compte hier à l'instruction. Eh bien, alors? Il faut trouver autre chose, voilà tout. Dans quel but? Pourquoi? Pour sortir d'ici, parbleu! Je ne vois rien. Moi non plus. Sauf une évasion. Il n'y a même que cela. Mais on ne s'évade pas de Mazas. J'espère bien vous prouver le contraire, à vous et à Dame Justice. Et vous comptez sur moi pour réussir cette folle entreprise. Parfaitement. Le gredin avait prononcé ce dernier mot avec une assurance qui terrorisa le comte de Charmeuse. Il eut l'impression que, non seulement il ne tirerait pas Ragdal de Mazas, mais que lui-même y était entré pour n'en plus sortir. « Parlez plus bas, » fit-il. Son complice acquiesça d'un sourire, et une longue conversation à mots couverts s'échangea entre les deux hommes, accouplés par l'infamie. Ragdal dit carrément ses espérances. L'évasion est toujours possible, même à Mazas, à telle enseigne que le dernier directeur de la prison était mort en Algérie, où l'administration l'avait envoyé en disgrâce pour avoir remis en liberté un gaillard qui avait eu le culot de fabriquer lui-même son ordre de lever d'écrou, profitant à l'instruction d'une absence du juge, pour apposer son cachet sur la feuille préparée d'avance. Il avait ensuite remis le pli à un brave cipal qui, à son tour, l'avait colloqué au greffe de Mazas, et le directeur n'y avait vu que du bleu, le tour était joué, la cage ouverte, l'oiseau envolé. Mais Ragdal convenait que ces sortes de choses ne se recommencent pas, et il n'avait pas tant d'ambition. Il allait simuler purement et simplement une maladie, se plaindrait d'être privé des douches qui lui étaient recommandées, ce qui était vrai. Or, comme il n'existe point de système d'hydrothérapie complète dans les établissements pénitentiaires, on le transférerait dans un hôpital civil, s'il était sérieusement pistonné. Le juge d'instruction lui-même ne pourrait s'y opposer, n'ayant rien à voir en pareille matière. C'était l'affaire des médecins, exclusivement. Le reste regardait Ragdal, et il se faisait fort de brûler la politesse à ses infirmiers. Il y avait des exemples qu'il citait. Le comte de Charmeuse hochait la tête d'un air de doute, de plus en plus effaré de se trouver mêlé à pareille aventure. Mais le bandit insistait, persuasif et autoritaire. Il n'y avait rien à risquer. Monsieur de Charmeuse s'intéresserait à un ami dans le malheur, quoi de plus naturel? Il sollicitait des soins pour une maladie, quoi de plus humain? Et son protégé en profitait pour jouer la fille de l'air et prendre la poudre d'escampette. C'était bien simple. Il n'était responsable de rien. Roger se laissait convaincre, peu à peu. Il demanda « Mais, une fois libre, que ferez-vous »« J'irai à Londres, attendre la prescription. » Cette perspective de voir Ragdal à l'étranger ne pouvait que séduire le comte. Enfin, seul. « C'est à voir, » dit-il. « Non, » riposta l'autre, « c'est tout vu. » Et avec une liberté d'esprit déconcertante, vous viendrez me voir encore une fois à l'hôpital où je serai envoyé et nous nous occuperons des derniers détails. Tout cela doit rester entre nous. Maintenant, parlons de nos affaires. Est-ce que ça va toujours ? Le comte, ramené sur ce terrain, prit sa revanche et déversa toute sa bile. Les affaires, elles étaient propres. Cela finirait en cour d'assises ou en correctionnel pour le moins. Il parla du chantage Crémer et de l'incorruptible. Crémer ? S'exclama Ragdal, mais je le connais. Il faut le revoir en ami, et de ma part, tout s'arrangera, il y a Maldonne. Que diable! Les loups ne se mangent pas entre eux. Le temps réglementaire des visites au parloir de faveur, un quart d'heure, était expiré. Le gardien interrompit net la conversation, et le comte Roger s'en alla avec une lourde et glauque sensation d'ignominie, d'enlisement dans la merde. Quand la chose est, disons le mot,